Lettre N du dictionnaire des idées reçues. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christine. Dictionnaire des idées reçues de Gustave Flaubert. Lettre N. Nacelle. Tout batelet qui porte une femme. Viens dans ma nacelle. Nain. Raconter l'histoire du général Tom Pouce. Et si on lui a serré la main, le dire avec orgueil. Naples. Si vous causez avec des savants, dire Parthénope. Voir Naples et mourir. Voir Yvetot. Narine. Relever, signe de lubricité. Nature. Que c'est beau la nature. À dire chaque fois qu'on se trouve à la campagne. Navigateur. Toujours hardi. Navire. On ne les construit bien qu'à Bayonne. Nectar. Le confondre avec l'ambroisie. Nègre. Il faut parler nègre pour se faire comprendre d'un étranger, quelle que soit sa nationalité. S'emploie aussi dans le style télégraphique. Nègre. S'étonner que leur salive soit blanche et de ce qu'ils parlent français. Négresse. Plus chaude que les blanches, voire brune et blonde. Néologisme, la perte de la langue française. Nerveux, se dit à chaque fois qu'on ne comprend rien à une maladie. Cette explication satisfait l'auditeur. Noblesse, la mépriser et l'envier. Nœud gordien. À rapport à l'Antiquité. Manière des anciens de nouer leurs cravates. Noir. Toujours suivi d'ébène. Comme un jet. G-E-A-I. Pour jet. J-A-I-S. Normand. Croire qu'il prononce des havresacs. Et les blaguer sur le bonnet de coton. Notaire. Maintenant, ne pacifier. Nourriture. Toujours saine et abondante dans les collèges. Numismatique. À rapport aux hautes sciences. Inspire un immense respect. Fin de la lettre N.